Troisième chapitre, où Francis remporte une première victoire. Madame Mao était loin de partager la confiance de Francis, mais elle se gardait bien d'alarmer l'enfant. La souffrance de chaque jour, les continuels soucis qui l'assaillaient depuis la mort de son mari, avaient à la longue éteint tout espoir dans le cœur de la pauvre femme. Minée par la maladie et les privations, elle n'avait plus maintenant qu'un objectif, vivre jusqu'à ce que son fils, son cher petit gars, eût atteint l'âge d'homme et fût en mesure de se suffire. Francis, au contraire, comme tous ceux qui ne sont qu'à l'aurore de la vie, ne doutait jamais de rien. Son ancien instituteur, M. Maréchal, lui avait souvent répété qu'avec de l'énergie et de l'honnêteté, on arrivait à tout, et l'enfant avait une foi profonde en son maître. Il allait quelquefois le dimanche rendre visite à M. Maréchal, et le digne homme pour qui ses anciens élèves étaient demeurés des amis se plaisait à guider de ses conseils ce gamin dont il connaissait mieux que tout autre le cœur et le caractère. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Francis se rendit boulevard Haussmann chez M. Poussigaud, le propriétaire. Mais à sa grande surprise, il fut sévèrement éconduit par un domestique en livrée qui le toisa d'un air insolent et lui referma sans façon la porte au nez. D'autres que notre apprenti se fussent découragés, eussent renoncé à l'espoir de parler à ce propriétaire gardé comme un pacha dans son palais. Mais le gamin était tenace, et de plus, il était, comme tous les Parisiens, habile et rusé. Par des commerçants du voisinage que séduisirent ses façons franches, il parvint à se faire donner le signalement de l'invisible propriétaire et arriva enfin, 2 jours après, à le joindre dans la rue. Tout d'abord, M. Poussigaud, qui s'apprêtait à monter dans son automobile, évinça l'enfant d'un geste brusque, mais Francis sut insister avec tant d'adresse, déployer tant d'éloquence, que le propriétaire daigna enfin l'écouter. Pendant près de 20 minutes, l'enfant plaida sa cause, et surtout celle de sa mère et de Louisette, et il y avait tant de sincérité, tant d'émotion dans ses paroles, qu'il parvint sans doute à apitoyer son interlocuteur, car lorsque celui-ci monta dans son auto, Francis était tout radieux et s'éloignait en sifflotant. Ce jour-là, le gamin de Paris faillit bien manquer la rentrée des ateliers, mais en s'accrochant tantôt derrière un taxi, tantôt derrière un autre, il arriva enfin à l'usine au moment où le dernier ouvrier en franchissait la grille. « Il était temps !» s'écria un jeune apprenti qui rentrait lui aussi en même temps que Francis. « Un peu plus, et on nous bouclait la porte sur le nez. Tu es sans doute allé déjeuner en ville. Puisqu'on est en bombe, si on se cavalait, j'ai encore 30 sous, on pourrait se payer un bon temps de rigolade, hein? Ça va-t-il ?»« Non, » répondit Francis en apposant sa signature sur la feuille de présence. « Quoi, tu cannes? T'as peur que le contre-coup te donne ton compte? Y a pas de danger, va. Nous en serions quittes pour une semonce et voilà tout. » « Inutile d'insister, Charlot, » répondit Francis en regardant son camarade. « C'est ridicule ce que tu me proposes là. Allons, sois raisonnable. Rentre à l'atelier avec moi. » Charlot avait déjà rebroussé chemin et il s'apprêtait à sortir quand le pointeur ferma brusquement la porte de l'usine. Francis n'avait point déjeuné, mais il ne s'en souciait guère, et, bien qu'il eût l'estomac vide, il travailla tout l'après-midi avec plus d'ardeur que de coutume. Le contremaître qu'il avait pris en affection ne fut pas sans remarquer l'activité déployée par l'enfant. Aussi lui dit-il en passant près de lui, « Très bien, le gosse, à la bonne heure. Je vois que tu prends goût au métier. Si tu continues comme ça, la semaine prochaine, je te mettrai au tour. » et te ferait donner de l'augmentation. » Et Grondard, le contremaître que les ouvriers avaient surnommé la Fouine, frappa familièrement sur l'épaule de l'enfant. C'était un brave homme que ce Grondard, mais il était impitoyable envers ceux qui renaclaient à l'ouvrage, envers les loupeurs qui manquaient des pièces et les ouvriers beaux parleurs qui faisaient plus de bruit que de besogne, et cherchait à fomenter dans l'usine ce que le contremaître appelait le mauvais esprit. Ancien apprenti, arrivé par son travail sans bassesse ni flatterie, Grondard avait la réputation d'un ouvrier habile. Son directeur, M. Voirin, en faisait grand cas et s'en remettait entièrement à lui pour la vérification et les essais des hydroaéroplanes que fabriquait l'usine. Toute l'activité de l'industrie se portait alors sur ces curieux engins qui, tout en possédant les mêmes propriétés que les biplans et les monoplans, ont, de plus, l'avantage de pouvoir glisser sur l'eau, y prendre un point d'appui, s'élever dans les airs, puis revenir se poser sur l'élément liquide. Aux dernières manœuvres navales qui avaient eu lieu aux environs de Cherbourg, les hydroaéroplanes avaient prouvé qu'en cas de guerre, ils pouvaient être des auxiliaires précieux. Malheureusement, par forte mer, certains atterrissages avaient été très laborieux et deux hydros avaient même failli sombrer. Il fallait absolument remédier à cet état de choses, trouver une formule nouvelle, et c'est à quoi s'employaient activement les ingénieurs de l'usine Voirin.